Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Qu'est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? Et que pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ah, pour autres mujeres. Ella deja de ser mujer, por eso? Es imposible dissociar nuestra identidad y nuestro el cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Hello les auditrices. Du coup, voici la deuxième partie du podcast sur la K-pop avec Ras et Mocha. Donc là, on va plutôt parler raisonnement qu'à la K-pop dans la communauté queer à l'international et de toutes les questions que ça peut soulever. Alors, je vais vous remettre un peu en arrière, juste au moment où justement Mocha amorce cette transition pour qu'on parle davantage pourquoi Grace et lui, justement, ont trouvé des échos en termes de queerness dans la K-pop. Juste pour repréciser, Yells emploie donc l'adjectif américain-américaine, là où moi j'emploie états-unien-états-unienne dans une perspective féministe décoloniale. Vous verrez également que tout au long du podcast, mes invités utilisent plusieurs fois le terme AFAB, qui veut dire en anglais Assigned Female at Birth, donc assignée femme à la naissance, qui est beaucoup utilisé dans le milieu queer, non-binaire et transmasculin, mais qui renvoie du coup beaucoup à des caractéristiques biologiques sur lesquelles sont faites les assignations de genre. Or, la plupart des comportements qui sont traités ici dans le podcast n'ont rien à voir avec la biologie, et que des décisions à partir de la biologie observée ne peuvent suffire à expliquer des comportements sociaux, et que ce terme du coup n'entre pas du tout en résonance avec le vécu des personnes transféminines. Est utilisé même de nombreuses fois à des fins d'exclusion des personnes transféminines, en les renvoyant elles-mêmes très souvent à leur assignation de naissance. Donc voilà, précaution avec ce terme. Bien sûr, je vous invite d'abord à écouter la première partie si ça n'a pas été déjà fait. Je vous souhaite une très bonne écoute. Qu'on aille là dans toutes ces discussions, c'est que on parle beaucoup là du coup de comment c'est perçu dans la société coréenne, on parle de la société coréenne et tout ça, mais en fait j'aimerais bien qu'on recentre notre vision en mode pourquoi nous, en fait nous on aime ça, et en fait j'allais y rêver, même si tu vois genre nous on va, enfin en fait ce truc là qu'on parlait, enfin ça peut déjà peut-être engager la conversation de la fanbase internationale qui écoute la K-pop, en termes de pourcentage, c'est un énorme pourcentage des personnes LGBT queer. En fait. Pour certains groupes, on atteint le 95%. Pour certains groupes, on atteint le 95%. Là où, du coup, tu te doutes bien qu'en en Corée du Sud, les fanbase, c'est pas du tout le cas. Et ouais, ça se passe pas comme ça. Mais du coup, en fait, ça, c'est vraiment la vision de la K-pop au sein de son propre pays. Mais en fait, là où la K-pop marche, c'est parce qu'en fait, elle a un impact qui est du coup différent et qui lui échappe un peu, parce que c'était pas vraiment voulu, hein, clairement. Ils se sont pas dit, tiens, on va faire ça, les choses comme ça, ça va marcher à l'international, non. Mais pourtant, il y a toute une communauté internationale qui du coup a quand même un gros point commun dans la majorité, c'est que c'est une communauté qui écoute de la K-pop, c'est des communautés de minorités. Voilà, c'est pas forcément des personnes blanches, c'est aussi beaucoup de... Enfin, c'est pas forcément des personnes valides, c'est pas forcément des personnes cis, hétéros, etc. C'est essentiellement des minorités, et du coup, une grande partie qui fait partie de la communauté LGBT, et du coup, en fait, à quel moment, en fait, ce genre musical-là, qui ne se voulait pas comme ça, en fait, a fait autant d'écho et nous a autant impacté. Et je pense que c'est pour plein de raisons. Et il y a aussi tout un truc où, en fait, ils sont devenus des gros symboles, des moyens de se retrouver, etc. Enfin, il y a un vrai bail là-dedans. Et en fait, qui est très intéressant à explorer d'un point de vue limite sociétal. Et de se dire, en fait, qu'est-ce qui fait qu'en fait, les communautés queer, on va dire, aiment autant ça. Du coup et c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas... En tout cas, j'ai la réponse pour moi. Ouais, mais on peut commencer peut-être par... Mais si t'as envie d'en parler, ouais, toi, de ce que t'as... Vas-y. Ok. Alors, du coup, pour le contexte, moi, il faut savoir qu'en fait, ma découverte de la K-pop, elle a suivi ensuite mon inscription dans une école coréenne qui est en fait une association culturelle de promotion de la culture coréenne. J'ai suivi des cours de coréen et j'ai donné des cours de danse K-pop à un groupe d'une quarantaine de personnes d'âge entre 13 ans et 26 ans. C'était des personnes affables pour en intégralité, en tout cas le groupe de personnes que j'ai suivies et que j'ai rencontrées. Et parmi ces personnes-là, on était en grande majorité et en majorité écrasante à être queer et neuroatypique. Et c'est là que a commencé mon questionnement. Et du coup, dans mon analyse de mon amour et de mon appréciation de la K-pop, je dirais qu'il y a plusieurs pans. Il y a d'abord mon pan en tant que personne artiste, c'est-à-dire que je suis extrêmement touchée par la musique, extrêmement touchée par les performances en tant que danseur, et par du coup cet effort de technique et de développement de la technique artistique. Ensuite, il y a le pan, je pense, de ma queerness, qui fait que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est extrêmement fan de boys band, quasiment exclusivement fan de boys band, et on en parlait avec Mocha, je pense que à cause de nos biais européens et occidentaux et à cause de nos normes européennes et occidentales, les hommes cis qui composent les groupes, les boy groups de K-pop, viennent détruire et remettre en question nos codes de masculinité. Et moi, personnellement, ça me touche autant en tant que personne attirée par les hommes cis qu'en tant que personne qui a de la dysphorie de genre et qui a un vécu trans en forme d'envie de genre et d'inspiration de genre. Et en fait, c'est vrai que c'est extrêmement rafraîchissant de voir des hommes sur scène et même en dehors de la scène qui sortent complètement de nos cadres de virilité et de masculinité européens et occidentaux. Et je pense que l'attrait, il est là, en fait. L'attrait, il est vraiment là. Et le troisième point, ce serait le point de ma neuroatypie dans le sens où j'ai tendance à développer des méta-relations et à développer des relations qui sont des formes un peu de méta-amour un peu, que je dirais. Tu peux le définir un peu, parce que ouais, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Bien sûr. La façon dont moi je le vis, et la façon dont ça m'a menée à la K-pop, en fait. Pour revenir à cet article sur lequel j'étais tombée avec des photos de 10 jolis garçons de K-pop, je connaissais la K-pop à l'époque, mais j'y étais absolument pas intéressée. Et en fait, j'ai vu la photo d'un membre d'EXO qui s'appelle Xiumin. Et j'ai eu un coup de foudre. Et en fait, moi, la façon dont je le vis, et c'est aussi la culture du bias, la fameuse culture de c'est qui ton préféré dans le groupe. Mm-hmm. La façon dont je le vis, c'est que je tombe folle d'amour et d'admiration pour un des membres du groupe, et ça m'amène à me renseigner sur le groupe, à écouter leur musique, et ensuite, à travers des émissions de télé-réalité, des lives, et du coup, cette vie d'influenceur qu'ils ont, d'apprendre un peu à les connaître, en tout cas, ce qu'ils veulent montrer de leur personnalité publique, et à les apprécier, en fait. Et donc, moi, j'ai ce pan-là de vraiment un peu développer une forme de méta-amour avec une personne où je me dis, pour peu que la personnalité que tu veux bien montrer et la personnalité que tu aurais dans la vraie vie, je pourrais facilement me voir développer des sentiments romantiques pour toi. Mmh. Et donc, il y a cet aspect-là, et il y a cet aspect aussi de groupe qui fait un aspect un peu famille. Et moi, je sais qu'au lycée et dans mon enfance, j'ai eu une vie familiale extrêmement compliquée et difficile. Et pouvoir me réfugier à travers du coup, ces émissions, ces lives et ces interactions fan-artistes dans une forme du coup, de cadre familial qui n'est pas le cadre nucléaire occidental, qui est un cadre entre l'amical et le familial où on voit des personnes évoluer entre elles de façon positive et de façon extrêmement... en fait, c'est une forme d'art-thérapie, en fait, de voir... de voir cet art-là fait par des personnes qui s'apprécient et qui interagissent ensuite de façon aussi joyeuse et réjouissante, ça, c'est apaisant, quoi. Et c'est un peu comme ça que je développerai un peu ma méta-relation, dans le sens où il y a du coup ce côté attirance quasi romantique pour une personne, mêlé à ce sentiment d'appartenir de façon complètement méta et de façon complètement distancielle à un groupe de potes, et mêlé à cette admiration et à cette pudeur de « je t'admire en tant qu'artiste, je respecte ton intimité aussi ». Genre, par exemple, c'était dingue quand j'ai vu les membres de mon groupe actuel préféré, Stray Kids, dans la vraie vie. J'avais l'occasion d'aller leur sauter dessus. Et alors que le membre qui m'approchait s'approchait de moi, je reculais. Parce que j'avais vraiment ce besoin de garder au moins 15 mètres de respect entre nous, en mode... je sais ce que tu vis au quotidien en tant qu'artiste, ça doit pas être facile, je ne veux pas faire partie des gens qui font de ta vie un enfer. Donc en fait, il y a ce côté d'amour un peu que je vis seule dans ma tête et dans ma chambre, mais pas l'envie de le consommer, par respect et par un peu... parce qu'au bout d'un moment, il faut briser l'illusion, quoi. L'engouement de la communauté queer internationale pour la K-pop a été l'objet d'un ouvrage collectif, Queerdology, j'espère ne pas trop mal prononcer, dirigé par la sociologue Yeon Wai-won, pareil pour le nom. Donc un ouvrage qui est paru, je crois, a priori, début 2022. Cet ouvrage était cité dans un article paru dans Courrier International et écrit par la journaliste Kim Ji-hai. En citant la sociologue, donc Yeon Wai-won, qui a dirigé l'ouvrage, l'article fait le lien entre l'audience dite très féminine de la K-pop, qui aurait poussé à façonner des idoles masculines hors des modèles traditionnels, davantage cool, dépourvu d'agressivité. L'article souligne de même le jeu de rôle au centre de cette culture musicale qui favorise l'identification et ce que Grace et Mocha qualifient de méta-amour de la part des fans pour les idoles. Tout cela aurait servi de base aux communautés queer à l'international pour établir des récits alternatifs, comme en témoigne l'important nombre de fanfictions sur le sujet. Ces fanfictions répondent notamment à l'absence de représentation des diverses sexualités, des diverses manières de faire famille, et ouvre de nouvelles perspectives de développement d'attirance, de sentiments ou autres, notamment pour des personnes asexuelles. L'article explique qu'en retour, l'industrie de la K-pop se serait aussi intéressée à la culture queer, mais quand même très en surface, autour des années 2000. Et ce, alors même que de plus en plus de pop stars internationales, telles que Lady Gaga par exemple, témoignaient de leur soutien aux revendications LGBTQIA+. D'après la sociologue Yeon Wai-won, aurait surfé sur cette tendance en, je cite, fabriquant une mode asexuée incarnée par le rappeur G-Dragon. Or, la sociologue déplore l'hétéro-washing de ce phénomène qui s'est surtout arrêté à un style vestimentaire sans faire avancer le débat autour des droits des personnes LGBTQIA+, notamment en Corée du Sud. L'industrie de la K-pop ne verrait pour l'instant pas d'intérêt particulier à davantage adresser la réalité de ce public queer. Néanmoins, elle note les perspectives d'évolution ouvertes tant par les mouvements des fans queer à l'international que par les prises de parole individuelles de certaines figures de la K-pop qui se mobilisent en faveur du féminisme, de la communauté LGBTQIA+, voire en faisant parfois leur coming out. C'est par cet échange entre fans et idoles courageuses que le rapport de force pourrait peut-être être inversé au détriment des tenants les plus conservateurs de cette industrie. Je souhaite également revenir sur la lecture que faisait Grace en disant qu'écouter de la K-pop impliquait une certaine déconstruction. Je pense que Grace ne fait pas référence là à l'idée de déconstruction d'un point de vue théorique, mais plus au fait qu'en étant déjà dans une marge, on a du coup un autre rapport au monde, moins normé, et une autre vision aussi des personnes qui permettent justement de trouver une identification dans d'autres types d'expressions de genre par exemple. Après l'enregistrement du podcast, on est revenu avec Grace et Mocha sur cette histoire de méta-amour. Grace expliquait que, par exemple, le méta-amour, pour lui, c'était une personne avec qui il se verrait en couple, alors que Mocha voit ça plutôt comme un amour qui le challenge. Ce n'est même pas une personne qu'il souhaiterait devenir, mais bien une personne qu'il souhaiterait challenger, dépasser. On peut s'interroger sur les fils individualistes ou méritocratiques ou même psychanalytiques, si on veut, de cette manière de se challenger, mais on peut aussi y voir plus une stratégie ou une nouvelle manière de s'élever, d'éclore, de cheminer en tant que soi. Et je trouve ça très intéressant que cela passe par justement ce type d'identification à des stars, à des figures inspirantes. D'ailleurs, autour de la figure du fan et de la groupie, j'espère avoir l'occasion d'autres échanges avec Grace. Quelques jours après l'enregistrement, j'ai écouté un podcast qui a fait de nombreux échos. Il s'agissait d'un épisode du podcast « Les mecs que je veux ken » de l'humoriste Rosa Burstein. Dans cet épisode un peu particulier qui s'appelle « Des fleurs pour Sarah Silverman », Sarah Silverman étant elle-même une humoriste états-unienne pour qui Rosa Burstein a énormément d'admiration, qu'elle a eu l'occasion l'été dernier d'aller voir en stand-up à Los Angeles. Ce podcast questionne ce que provoque la rencontre avec une personne que l'on admire, voire carrément avec une idole. Sur la bonne manière d'aimer ces mêmes idoles, est-ce que ce serait effectivement, comme l'indique le podcast, dans le noir sans faire de bruit, ou est-ce que ce serait pas justement une manière un peu petite bourgeoise, voire psychophobe, sexiste ou autre, d'ériger une nouvelle norme de bienséance? Est-ce que c'est le processus de starification qui est à questionner en lui-même, ou est-ce qu'on a de toute façon besoin de modèles pour s'inspirer? Et alors, où est-ce qu'on met la mesure et quel type de relation, quel type d'amour est correct à cet égard? Effectivement, plutôt que de stigmatiser les fans, je pense que ce serait intéressant de se poser des questions sur l'amour des fans, sur les manières qu'il a de s'exprimer et sur comment remettre de l'éthique là-dedans. Ce qui est à valoriser et ce qui, au contraire, n'est pas acceptable, par exemple. Plutôt que d'être dans le déni et de cracher là-dessus tout en étant nous-mêmes hyper fans de tellement de personnes. Je vous laisse écouter ce podcast et je préviens que tant Sarah Silverman que Rosa Burstein sont des personnes juives et qui mettent cette identité aussi au cœur de leur travail, ce qui explique certaines phrases qui, hors de leur contexte, pourraient être mésinterprétées comme antisémites. C'est tout le contraire. Je me permets de rebondir, parce que justement, c'était effectivement l'une des questions qui m'intéressait beaucoup, pour en avoir aussi un peu parlé avec Mocha. Et puis même de l'extérieur, à la fois, genre, c'est quelque chose que je pense sur lequel je peux un peu relay de méta-amour plus adolescent que j'ai eu, pas forcément dans un cadre de phénomène de musique ou quoi que ce soit, mais par contre qui effectivement on observe énormément. J'ai évolué toujours dans des groupes plutôt plutôt marginalisés au collège et lycée, un peu les groupes des nerds, etc. Et beaucoup de personnes en fait queer et neuroatypiques qui effectivement développaient des méta-relations très très fortes, des méta-amours très très forts, et se retrouver aussi du coup chez des artistes qui n'étaient pas dans ces codes de genre à l'occidental très strict, et en fait, mais là où il y avait, enfin ça croise pour moi une autre question, parce qu'en fait c'était, et en fait il y avait aussi un truc de fascination pour du coup d'autres cultures. Alors il y avait pour l'aspect de certainement de genre, il y avait par exemple un aspect très fasciné par beaucoup de tout ce qui était la culture japonaise. Et très vite, en fait, c'était un peu souvent les mêmes groupes de personnes qui sont aussi devenus très fans de la K-pop. Et du coup, je me demandais s'il y avait un bail de, quand même, de fétichisation. Parce qu'en vrai, la fétichisation aussi, notamment des hommes asiatiques, elle est très forte et très présente aussi dans notre milieu occidental. Et du coup aussi, de généralisation à différentes personnes de culture et de nationalité complètement différentes. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une explication qui est comment c'est diffusé, ces productions culturelles. Parce que comme tu le disais, tu as découvert un peu la K-pop alors que tu étais déjà dans un truc de niche, ouais, de niche, de manga, etc. Et en faisant des recherches justement sur ce mouvement, je voyais que il est arrivé en Occident aussi pas après son rayonnement au Japon. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu une grosse audience au Japon. Et le Japon ayant une énorme audience en Occident, bah, ça a fait un peu comme un ricochet. Du coup, des productions qu'on recevait du Japon est arrivée aussi la K-pop qui venait de Corée du Sud. Je ne sais pas si vous avez la même analyse. Et comment est-ce que vous articulez ça entre bah, voilà, ce truc de... C'est une culture qui, du coup, trouve un écho particulier chez des personnes minorisées en Occident. Et du coup, c'est très chouette parce que, bah, à la fois, ça permet de trouver une fanbase genre, à l'international, de trouver genre, une autre communauté en ligne, etc., une autre niche et d'autres imaginaires, etc. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi des bails d'exotisation, de fétichisation, de fantasme de ces personnes, quoi? Non. Je vais décasser mon cas, là. Non, mais... Moi, je sais pas. Je peux te lancer, je pense, sur le cas BTS. Dans le sens où, tu te rappelles, on en avait beaucoup parlé de cette question-là. La question des audiences dans la montée de BTS, tu sais, ce truc là qu'en fait l'agence de BTS et le gouvernement coréen ont constaté une popularisation à l'international de BTS et donc les ont poussés à l'international en ne comprenant pas quelle était leur audience. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu pousser BTS à l'international auprès d'audiences mainstream, là où en fait, c'est des audiences de niche qui aiment BTS. Et c'était des audiences de niche qui ont été touchées par leur musique, par leur sensibilité musicale et par leurs thèmes musicaux, en fait. Et c'est par ça. Leur truc. Concept, parce que c'est... Concept, oui, c'est ça. Et en fait, là où du coup, il y a une vraie dissonance quand BTS est vraiment parti à l'international de façon... Quand ils ont fait la conquête aux États-Unis. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils ont voulu entamer une conquête américaine. C'est-à-dire une conquête américaine. Bah, un truc de, en gros, dans leur stratégie, je pense que, alors qu'ils avaient déjà gagné beaucoup à l'international, quoi, enfin, vraiment, 2019, enfin, c'est bon, quoi, c'était acté, quoi, enfin, BTS, ils étaient là, quoi, tu vois, genre, dans n'importe quel pays, ils étaient accueillis à bras ouverts, et en plus de ça, plus que bien accueilli et il y avait de l'écoute, enfin ils avaient déjà gagné beaucoup, tu vois, et en fait ce qu'ils ont voulu faire c'est conquérir les États-Unis parce que je pense que dans, alors c'est pas BTS en eux-mêmes mais c'est plutôt le staff hein, clairement qui ont réfléchi comme ça, c'est l'agence qui a réfléchi comme ça, qui s'est dit en fait si on veut qu'on finisse de conquérir le monde alors qu'ils avaient déjà un peu le monde hein, clairement, mais s'ils voulaient vraiment avoir tout le monde il fallait d'abord conquérir les États-Unis. C'était la façon dont ils réfléchissent et en fait c'est même devenu une stratégie qu'ils font énormément de plus en plus avec leur groupe en fait. C'est qu'il y a ce truc là où avant il y avait un truc un peu de on essaie de conquérir l'Asie et après on verra pour les États-Unis, donc il y avait des tournées un peu en Chine, bon plus trop en Chine depuis 2014, mais il y avait beaucoup de trucs au Japon, ils faisaient dans la K-pop le nombre d'albums qui sortent et t'as les albums japonais. Donc, en fait, ils ont vraiment ce truc-là aussi, qui est clairement lié à l'histoire de la Corée du Sud, mais ce truc, en fait, de conquête du Japon, aussi, un truc ultra solide par rapport au Japon, en mode, on va sortir un mini-album japonais, on va sortir des chansons traduites en japonais, etc., etc. Donc, il y avait aussi ce truc-là, et en fait, ce truc-là s'est transformé et s'est étendu en mode, si aux États-Unis que ça se passe, que, en fait, les États-Unis étaient vus comme le tremplin pour le monde entier, c'est clairement le rêve américain et du coup il y avait ce truc là et BTS ont clairement fini par avoir cette stratégie là de il faut qu'on aille gagner le cœur des États-Unis et quitte à en fait clairement rentrer dans l'industrie musicale américaine en fait hein, et avoir une vraie place dans l'industrie musicale américaine, donc on va aller chercher les feats avec et les collaborations avec tout le monde, donc ils ont fait un featuring et des collaborations avec Coldplay, Ed Sheeran, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, j'en oublie. Mais alors, attends, juste ce que tu es en train de dire, ils sont allés jusqu'au Grammy. Ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est que du coup ce Enfin, c'est une démarche aussi proactive directement des personnes, enfin des groupes tels que BTS, d'aller chercher une audience. Ils ont abandonné à un moment donné ce qui leur a été reproché par, on va dire, le public ancien. C'était qu'en fait, ils avaient abandonné les codes K-pop pour lesquels on les avait aussi appréciés pour ensuite faire du showbiz américain. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus présents dans les émissions télé coréennes, sud-coréennes. Ils ne produisaient plus tellement de contenu comme ils en avaient l'habitude d'en produire. Par contre, ils étaient là de ouf aux États-Unis à produire et aller sur les plateaux télé des États-Unis, etc., etc. Alors que nous, en tout cas, sûrement les fanbases internationales et les personnes avec qui j'en ai parlé, on avait tous très bien conscience qu'en fait, les États-Unis ne faisaient que leur chier dessus. Et en fait, ils se moquaient d'une certaine manière. Les plateaux télé américains et le showbiz américain et juste le divertissement américain n'est pas le même et ne correspond pas pour un groupe tel que BTS. Et ne correspond pas pour un groupe de K-pop en général, parce que BTS ont ouvert la voie aux plateaux télé, aux interviews américains. Du coup, d'autres groupes de K-pop ont été envoyés. Et en fait, s'en est suivi des grossièretés, mais des trucs mais aberrants, de juste de racisme total, de manque de propos racistes, de manque profond, d'un désintérêt profond de la part des journalistes, qui n'est même pas masqué, vraiment. Le fait qu'ils ne fassent aucune recherche sur qui est-ce qu'ils invitent sur le plateau télé, il n'y a aucun problème à ce que tout le monde le capte. Quand ils confondent les prénoms, quand ils confondent les membres entre eux, quand ils ne savent même pas qu'un membre, ce qui a été le cas pour Stray Kids, qui a été invité sur un plateau télé aux États-Unis, et Félix, un des membres qui est australien. Non, c'est pas Stray Kids. Non, c'est NCT. C'était NCT, et un des membres est australien. Non, il vient de Chicago. Mais alors, on parle pas du même groupe, parce qu'en gros, il y en a un en gros qui... Mais c'est pour ça que j'étais persuadée que c'était Stray Kids et que c'était oui, Félix. Il est 18h05, c'est... Non, t'inquiète, on est à côté, donc 18h30. Okay. Et en gros, bref, un des groupes, on va couper, parce que... voilà, mais un groupe de K-pop avec un membre étranger, anglophone, ouais. Donc australien, était sur, du coup, un plateau télé... avec un présentateur américain, et du coup il pose une question et ce membre là répond en anglais, quoi, enfin normal, et le présentateur qui est complètement étonné en mode waouh, mais purée, pour un coréen vous parlez quand même super bien anglais, et lui il le regarde et fait bah c'est normal, je suis australien en fait. Donc bref, ce genre de truc, et en gros BTS ont ouvert la voie à ça et ont voulu conquérir les États-Unis de cette manière là sauf que ça ne leur va pas, ça ne leur correspond pas, et on s'est bien rendu compte que les États-Unis en avaient rien à faire, surtout suite aux différents moments des Grammys, parce que BTS a été le premier groupe de base invité à performer aux Grammys, puis ensuite nominé, le premier groupe sud-coréen à être nominé aux Grammys. Et ils ont été nominés 3 années de suite. Et en fait, 3 années de suite, ils n'ont pas gagné, alors que clairement, en termes de fanbase, c'est vrai que bah, ça, c'est indéniable. BTS a battu tous les records en termes de fanbase. Et les Grammys se donnent sur la fanbase ? Je ne sais pas du tout comment ça c'est marche. C'est un principe de vote, mais en fait, c'est juste c'est des chiffres, mais en fait, c'est juste que l'Académie des Grammys en fait, a pas boycott, mais a énormément effacé BTS. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de moments où, pendant les moments où, du coup, les Grammys passaient à la télé, là, pendant la diffusion de l'émission, la performance de BTS a été coupée à la place de la pub, plein de trucs ont été coupés, des façons de... Enfin bref. Donc en gros, ils se sont plantés, quoi. Très très rapidement, pour venir à ces questions de niche et de popularisation, en fait, je pense qu'on peut résumer ça par, en tout cas pour le programme BTS, il y a deux facettes. T'as d'un côté l'agence qui n'a pas du tout su comprendre que de base... En fait, je pense que l'agence s'est vue d'un seul coup a constaté des chiffres absolument phénoménaux et n'a pas su d'où venaient ces chiffres-là et de qui venaient ces chiffres-là. À savoir, du coup, comme on le disait, une commune composée de minorités, d'une culture internet et de niche. Ouais, et en fait, cette agence-là a juste constaté « des étrangers nous aiment, allons à l'étranger ». D'un autre côté, t'as l'industrie musicale américaine, qui a constaté les chiffres, qui a constaté qu'apparemment les chiffres venaient de leur pays, mmh. et qui a donc, de par la, le, de par, la, la, la, la stratosphère, enfin le chiffre, les, ces chiffres stratosphères, était obligé d'intégrer BTS d'une façon ou d'une autre dans ses The World Show ou dans ses codes. Alors que, encore une fois... Ils n'en ont rien à faire. Voilà, non seulement ils n'en ont rien à faire, mais en plus, ces mêmes The World Show ne touchent pas la niche de base. Donc en fait, au final, ce qui a véritablement été complètement invisibilisé dans le phénomène du BTS, c'est les fans. Ouais. C'est qui sont les fans, d'où viennent-ils. Et elles ont été, les fans ont été invisibilisés et stigmatisés parce qu'en fait, directement... par le phénomène BTS, il y a eu du coup ce truc de BTS sont super connus grâce à leurs fans. Déjà, c'est un boys band, donc déjà là où quand t'es familier au truc K-pop, etc., bah, boys band ça te fait pas peur. Là où quand t'es pas familier, boys band t'es en mode années 90, c'est trop has-been. Du coup, il y avait ce truc un peu risible en mode c'est un boys band de base, mais machin. Un très grand manque de connaissances sur bah, qu'est-ce que c'est BTS, qu'est-ce que c'est leur carrière, qu'est-ce que c'est que les membres, en fait, qui est-ce que c'est, comment ils représentent, parce qu'en fait, BTS, c'est clairement... c'est pas des gens qui ont percé parce que de base, ils étaient riches. Non. Donc en fait, ça, déjà, ça a une grande valeur, surtout dans le moment où BTS, nous, on tout raflé, on tout gagné en termes de records, etc., machin, alors qu'ils faisaient même pas partie d'une grande agence, etc. Bref. Et en fait, du coup, on a énormément stigmatisé, bah, du coup, leurs fans. Donc, en gros, à base de... C'est des gamines, des groupies, hystériques. Et c'est... BTS ne parle qu'à un public de gamines de 14 ans et 13 ans. Déjà, c'est très méchant pour les gamines de 14 ans et 13 ans. Faut arrêter de dire qu'elles sont toutes débiles. Et en plus, ce moyen de féminiser totalement la fanbase... De BTS, mais qui en fait du coup féminisait en entier la fanbase de K-pop, en fait. Mais c'est juste que prendre l'exemple de BTS, c'est juste du coup mettre en... Enfin, c'est juste l'exemple type, en fait. C'est genre vraiment le truc... Le projecteur sur en fait tout ce qui se passe ensuite pour tous les autres groupes et les fanbases, quoi. Mais du coup, c'est ça, en fait. C'est stigmatiser ça. C'est en gros, bah, du coup, ça renvoie à plein de choses, en fait. À une pensée extrêmement misogyne de la part des personnes. À revenir sur une figure de la groupie qui est du coup une figure très misogyne, qui est une construction sociétale... En comparaison du fan... En comparaison du rock et de toute musique underground qui vient du garage band qui est formidable en comparaison de du bon daron de 40 ans qui écoute les Beatles, et c'est génial les Beatles, sauf que les Beatles ils sont ce qu'ils ont été en reprenant portés par des groupies, voilà, mais c'est pas grave. Et et en gros, en fait, bref, c'est tout ça. Et et moi, ce que je voulais juste aussi vite faire revenir sur un truc, c'était quand tu disais que, bah ouais, en parlant de BTS, mais du coup de la K-pop en général, la fanbase est une fanbase de niche. Grâce, c'est présenté en mode j'ai découvert la K-pop parce que de base, je baignais dans la culture internet, la culture manga, la culture animé et tout ça. C'est tout pareil pour moi, clairement. C'est comme ça que je suis tombée dedans. Et en fait, c'est une culture internet. Et en fait, c'est un truc générationnel. C'est-à-dire que certes, en 2015, beaucoup de gens qui écoutaient BTS, c'était des gens qui avaient 15 ans. Sauf que en 2022, les gens qui écoutent BTS, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a grandi avec, et pourtant, on écoute toujours. Et en fait, même en grandissant avec, des personnes découvrent BTS à 25 ans et surkiffent. Et en fait, ça a touché maintenant aussi toute classe sociale, aussi, parce qu'aussi on peut parler de la fanbase qui est constituée aussi d'une bonne catégorie, enfin même en termes de classe sociale, en fait, ça se trouve. Il y a des pourcentages qui sont assez flagrants. Pied Piper, qui signifie en anglais joueur de flûte et également leader, meneur de groupe d'êtres humains, est une chanson de BTS qui parle à leurs fans et qui parle de ce rapport d'admiration que les fans peuvent leur porter. C'est Mocha qui m'en a parlé. Effectivement, je vous lis la traduction des paroles et je vous laisse méditer là-dessus. C'est mal donc c'est mieux. Tu sais au fond de toi, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Tu ne peux plus arrêter. Alors soyons un peu plus honnêtes. Stop. Arrête de regarder et révise tes examens. Tes parents et ton patron me détestent. clips, vidéos, photos, Twitter, VA, bon voyage. Je sais que tu ne peux pas t'en empêcher. Mais arrête, tu pourras analyser le clip vidéo plus tard. De toute façon, tu as un tas de photos de moi dans ta chambre. Pas seulement une heure, un an ou deux passent. Cette chanson est ta récompense, gentille fille. Ce n'est pas une punition. Viens, je suis ton paradis. Tu n'arrives pas à fermer les yeux, tu n'arrives pas à fermer les yeux. Lutter ne sert à rien. Ne me repousse pas. Ferme les yeux et écoute attentivement. Suis le son de la flûte, suis cette chanson. C'est un peu dangereux, mais je suis si doux. Je suis là pour te sauver, je suis là pour te détruire. C'est toi qui m'as appelé, je suis si doux. Suis le son de la flûte. Je prends le dessus sur toi. Je prends le dessus sur toi. Tu sais que ça a déjà commencé, à partir du moment où tu as entendu ce son. Peut-être suis-je un peu dangereux comme le joueur de flûte de Hamelin. Je te teste, comme le fruit défendu du paradis. Ma flûte réveille tout. Sa musique te fait encore plus de mal. Tu es attiré par elle. C'est un souffle constant. Je suis ton péché mignon. Tu ne peux pas t'échapper. Jamais. Ce n'est pas une punition. Viens, je suis ton paradis. Tu n'arrives pas à fermer les yeux. Tu n'arrives pas à fermer les yeux. Lutter ne sert à rien. Ne me repousse pas. Ferme les yeux et écoute attentivement. Suis le son de la flûte. Suis cette chanson. C'est un peu dangereux, mais je suis si doux. Je suis là pour te sauver. Je suis là pour te détruire. C'est toi qui m'as appelé. Je suis si doux. Suis le son de la flûte. Oui, je suis un peu dangereux. Je ne peux pas m'en empêcher non plus. Ne t'inquiète pas. Mes mains ne sont non chaudes que pour toi. Si jamais je te détruis, pourras-tu me pardonner? Tu ne peux pas vivre sans moi, je le sais bien. Je prends le dessus sur toi. Je prends le dessus sur toi. Et bref, et en fait, oui, en quoi aussi la culture queer, enfin les queeros actuels écoutent énormément de K-pop, mais pourquoi? Mais parce que c'est des personnes qui ont grandi avec Internet et que, ouais, qui ont grandi du coup avec la K-pop, parce que la K-pop est arrivée dans nos oreilles et dans nos yeux grâce à Internet. On n'aurait pas eu Internet, jamais on aurait capté ce truc, et c'est un mouvement musical très récent qui a grandi avec Internet, en fait. Internet a créé la K-pop, d'une certaine manière. Et ça a créé des codes Internet. Ça a créé un lexique, ça a créé un langage, ça a créé un moyen de se retrouver entre nous. Ça a créé tout un truc énorme. Et en fait, même d'un point de vue de... Tu sais, t'as plein de statistiques par an sur les différentes niches Internet. La niche K-pop, elle régit presque tout, presque, d'Internet. Elle est sur Twitter, mais même sur plein de choses, en fait. Elle est omniprésente, elle est super importante. Pour rebondir immédiatement sur ce que tu dis, en fait, c'est que c'est aussi une niche qui demande, et surtout c'est de la musique et des codes, qui demandent, pour pouvoir les apprécier, une déconstruction décoloniale, une déconstruction de genre, et une déconstruction de plein de biais, en fait. Oui, et que ça nous a donné, moi, si j'ai autant aimé, et autant apprécié, c'est parce que ça m'a donné des représentations que je n'avais pas dans ma vie quotidienne, dans la vie culturelle et le divertissement, etc., et tous les trucs culturels qui m'entouraient, ou même au lycée, etc. Je n'avais pas ce genre de représentation-là. Ouais. Et cette représentation m'a fait le plus grand bien, en fait. C'est la différence entre ce qui peut être, effectivement... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des imaginaires, peut-être, effectivement, exotisants, en fait, parce qu'on baigne dans des cultures occidentale, donc on est là-dedans, mais comme sur plein d'autres choses, comme de toute façon dans nos crushs, on a toujours des biais aussi racistes, sexistes, queerphobes, cis, enfin bref, ou d'une certaine idée de beauté ou de choses comme ça, et qu'on on starifie partout aussi, et donc on projette beaucoup sur les gens, enfin le fait même de projeter, c'est très occidental aussi, d'avoir besoin de figures, enfin j'en sais rien si c'est que occidental, mais bon voilà. Je sais qu'il y a aussi des personnes dans les milieux queer militants qui peuvent dire c'est de l'appropriation culturelle, mais là en fait la différence c'est genre il y a une influence et une construction en fait, et de savoir aussi d'où ça vient, et une construction identitaire qui s'est fait Enfin, c'est-à-dire que la K-pop, justement, elle s'appelle aussi K-pop parce qu'il y a ce rayonnement international et qu'elle existe avec ses fans et que ses fans aussi à l'international, comme avec ses fans nationaux. Et ça peut être deux choses différentes, mais qui coexistent. Et que, en fait, du coup, c'est la différence entre le fait de... Oui, d'être dans un groupe dominant et d'aller chercher des trucs d'une culture et de se l'approprier, etc. Et le fait d'être fan d'une culture et qu'elle... Et oui, de juste en aimer son rayonnement et de faire partie active de sa dynamique. Parce que c'est important qu'on rebondisse sur cette question de fétichisation. Mon analyse de ça, c'est malheureusement une analyse que je suis obligée de faire sous un œil malheureusement genré très binaire, enfin que je suis obligée de résumer de façon très binaire et de façon très hétéronormée, c'est que les hommes coréens et plutôt les hommes asiatiques, il y a une forme aussi de colorisme hein, là-dedans. Les hommes asiatiques à la peau claire et aux traits asiatiques du sud-est subissent dans le monde entier maintenant une fétichisation très forte de la part des fans de K-pop. C'est absolument indéniable et c'est complètement condamnable. Je pense que cette fétichisation, elle est due à plusieurs choses. Mais elle est encore une fois, je pense aussi due au biais que ces mêmes fans ont dans leur dans la culture mainstream, dans la culture mainstream occidentale, que en fait cette question-là, que en fait cette beauté asiatique de l'homme asiatique, elle est rafraîchissante et c'est une forme de virilité différente, peut-être que par biais xénophobe et raciste, on interprète comme moins antagoniste et moins dangereuse. Et du coup, il y a une glamorisation et une idéalisation de l'homme coréen qui est complètement faussée et xénophobe, d'un sens. Ensuite, on a de l'autre sens les shippers. Moi, je pense notamment... les shippers, c'est donc les personnes qui sont convaincues, qui apposent une forme de queerness à des ou en tout cas une identité d'orientation sexuelle à des artistes qui n'ont pas fait de coming out ou qui n'ont jamais parlé sur ces choses-là. Et en fait, pour moi, c'est des choses, évidemment, le shipping qui découle des boys bands et qui découle des qui est extrêmement pour moi, les artistes coréens le subissent en fait tout simplement parce que c'est quand même une grande violence d'assumer l'orientation de quelqu'un. Et en fait, il y a une grande hypocrisie là-dedans parce que les fans de K-pop vont dans un sens défendre le fait que la masculinité des hommes coréens et des membres de groupes de K-pop est juste une masculinité différente, mais qui est évidemment pas une masculinité qui détermine leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, mais dans un autre sens garder en tête leur biais occidentaux virilistes pour désigner que forcément leurs relations entre membres de groupe sont homosexuelles. Et je trouve qu'il y a une forme je trouve que dans les deux cas, c'est super problématique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, soit on défend quelque chose et on essaie d'être safe pour tout le monde et on le défend de la meilleure façon possible, soit on tombe dans des biais hypocrites comme ça, quoi. Mais on peut pas faire les deux. Donc c'est vrai que du coup, il y a cette double casquette fétichisation et en même temps stigmatisation que subissent les hommes coréens depuis l'avènement de la K-pop. Parce que c'est vrai que les groupes de K-pop masculins sont beaucoup portés par des personnes attirées par les hommes cis. Alors que je trouve que c'est légèrement différent pour les femmes coréennes et pour les en tout cas les... Ce qui est rigolo, ouais, enfin, ouais. Je sais pas si c'est ça ce que t'allais dire. Bah, je sais pas si mais, c'est... En tout cas, pour les girls band, elles sont portées par des hommes cis gays. Voilà. Elles sont portées par des hommes cis gays. Ah, mais moi, par contre, j'ai rencontré énormément de lesbiennes. Et de lesbiennes. À fond dans les girls band. Et en fait, c'est très rigolo parce que du coup, ça revient un peu à ce qu'on avait dit, une fois avec Grace. Ce principe des divas et des trucs comme ça dans la communauté LGBT qui est très très présente. Tu vois, genre, t'avais pris une fois l'exemple que j'avais trouvé absolument incroyable, c'est Mariah Carey. Grande diva, grande queen, machin, référence pour la communauté gay, etc. En réalité, Mariah Carey, elle en a rien à foutre en fait de nous. Elle c'est une femme hétérosexuelle blanche qui en a problématique, qui n'en a rien à carrer en fait de nous. Et en fait, barimbaï culturel, et en fait, elle est rentrée comme un nom et un truc ultra présent dans la culture, et elle comme Beyoncé, mais plein d'autres. Mylène Farmer n'a pas fait officiellement de la grande des choses comme ça. Et en fait, Mylène Farmer, et c'est des personnes qui sont extrêmement. Enfin, qui ont. Whitney Houston. En fait, on en vient juste à la question. En fait, la K-pop, et je pense aussi, comme on pense avec Mocha, rentre aussi dans cette question de comment la commu. Ouais. En vient à s'approprier des artistes en fait. Mais oui, mais en fait pourquoi aussi ? Et là ça pourrait être un autre sujet des pourquoi, quand on regarde les références culturelles de cette communauté là et qu'on se penche vraiment sur ces références, en fait c'est des grands classiques, tu vois. Un truc vraiment, c'est des grosses références, c'est des gros noms, mais en fait quand tu te penches sur ces noms là, en fait ces noms là ils ont fait quoi pour les queer ? Rien du tout. Ils en ont rien à faire en fait. Et en gros, du coup, on a pour référence. Et ça dépend desquels. Mais pour une partie, on va dire, de la communauté et des références, pour référence des personnes, en fait, on s'est juste réapproprié totalement le truc, en fait. Et en fait, pourquoi ? Pourquoi, en fait, notre communauté a-t-elle ce principe-là, tu vois, de réappropriation ? Et du coup, c'est ce qui touche énormément les girls band, en fait. C'est-à-dire que les boys band, leur fanbase va être très, très, très variée. Mais très très très varié. Les girls band, vraiment, les personnes qui aiment et qui écoutent les girls band à l'international, ça va être essentiellement des personnes gays, des hommes cis gays. Si en tout cas il y a des hommes cis qui interviennent beaucoup, j'ai l'impression de faire grave de généralisation, mais enfin. Mais comme quoi, il y a ce truc-là. Mais oui, mais parce qu'il y a ce truc, en fait, aussi, de se dire, est-ce que, du coup, les girls band réutilisent des codes qui parlent énormément à cette catégorie sociale, etc., machin, à cette minorité, parce que, du coup, les fans internationales, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en globalité, ce sont généralement des personnes qui font partie de minorités, en fait. Ce ne sont pas des personnes forcément cis, hétéro, blanches, ultra privilégiées et qui ont v'là le fric, tu vois. Bof, bof. Et du coup, en quoi, du coup... Enfin, c'est vraiment une question que je me pose et qu'il faut, que je n'ai pas de réponse. C'est pourquoi pourquoi on les aime, tu vois. Mais en fait, pour rebondir là-dessus, en fait, y a aussi cette question... Là où l'orientation, je pense, est importante, en final, dans cette appréciation de la K-pop et dans l'appréciation de tous les artistes. Parce que, soyons honnêtes, l'attirance physique rentre en compte dans notre appréciation artistique. Pourquoi ? Je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui, mais ça existe. Et en fait, le fait est que... Tu disais bien que tu as eu un coup de foudre avant de connaître... Ouais, c'est ça. En fait, c'est une forme d'esthétique qui amène à avoir envie de cliquer, en somme, et en finale, à apprécier ou non. Et en fait, le truc, c'est que... Je ne sais pas si Mocha aura la même analyse que moi, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pour revenir à ces questions de fétichisation, en fait... de ce que j'ai observé, les boys band fonctionnent infiniment mieux en termes de chiffres et en termes de fidélité de la fanbase envers une fanbase internationale où ils sont plus sexualisés. Alors qu'en Corée du Sud, c'est les girls bands qui fonctionnent beaucoup plus, au point où la plupart de nos boys bands préférés sont des inconnus au bataillon, parce que ces girls bands, là où elles sont portées à l'international par une commu LGBT, sont portées en Corée du Sud par une commu extrêmement hétéronormée qui les sexualise. Voilà. Et en même temps, on peut voir aussi là, du coup, la grille genre, hyper de regard racialisant aussi occidental qui du coup fétichise plus aussi que genre sur place en fait les personnes déjà coréennes, asiatiques. En fait, la raison qui m'a menée à voir cette analyse là de ce que j'ai observé jusqu'ici en K-pop, c'est justement le fait que c'est le fait de me poser la question de c'était la réflexion de cette question de fétichisation, étant donné que j'avais commencé un propos sur la fétichisation des hommes coréens qui est extrêmement visibilisée sur internet en ce moment. Qu'en est-il de la sexualisation des femmes coréennes et des femmes sud-asiatiques qu'elles subissent énormément depuis des années par des biais racistes et coloniaux, mais que j'ai beaucoup moins observé dans le phénomène K-pop, du moins à l'international. C'est-à-dire que on connaît tous ce biais super raciste de la femme asiatique super sexualisée de par une forme de soumission qu'on lui approprie, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que dans l'appréciation que les fans de K-pop ont des artistes féminines, ce n'est absolument pas, les fans de K-pop international en tout cas, ce n'est absolument pas ce qui rentre en compte. Et notamment les groupes qui marchent le plus, les groupes de filles qui marchent le plus d'ailleurs à l'international, sont les groupes de filles qui ont l'image la plus androgyne, avec il y a vraiment ce rapport d'empowerment, voilà, on passe de Mamamoo, Blackpink. Tu veux dire dans les communes queer justement aussi? Bah pour moi ça marche à l'international. En fait les là où on pourrait. Petite blague entre parenthèses, tu me diras si tu valides la blague, mais genre moi franchement je donne peu de temps encore avant que Wassa devienne une figure lesbienne. Hein, oui mais voilà, elle l'est déjà. Elle est déjà. Mais en fait c'est ça le truc, c'est qu'en fait là où on pourrait s'attendre des audiences occidentales et de leur biais raciste qu'elles poursuivent. Ce qui a été malheureusement fait envers les hommes sud-asiatiques et coréens, à savoir une forme de fétichisation, j'ai l'impression que les artistes coréennes féminines vivent quelque chose de complètement différent. Là où elles subissent beaucoup plus de fétichisation chez elles. Je sais pas si Mocha rebondira sur ce que je dis ou est d'accord avec moi, mais c'est vraiment l'impression que j'en ai. Peut-être qu'elle-même saurait je sais pas à quel point ça peut être conscientisé ou quoi, mais... tu veux dire chez elle? À l'international, ou de savoir que... Alors par contre en Corée du Sud c'est subi quoi. Il y a vraiment cette figure de la jeune artiste juvénile, frêle, fragile et mignonne et submissive, on est vraiment sur la girl next door quoi. C'est vraiment ça qui marche encore là-bas. Là où à l'international les fans de K-pop sont super sensibles à de la fierceness, des questions de fierceness assez féministe, assez empowerment, en Corée du Sud ça marche beaucoup moins. Ce que je veux dire du coup c'est, est-ce que elles ont le même, pourtant elles se présentent de la même façon? Non. Ah tu veux dire est-ce que les mêmes artistes se présentent de la même façon? Oui. Ok, c'est-à-dire que des personnes qui sont plus androgynes, etc., et qui ont grave de succès à l'international, par contre, se présentent aussi de la même manière, par exemple. En Corée du Sud, mais ça marche. En Corée du Sud, mais ça marche. En fait, c'est juste que c'est pas les mêmes, du coup, qui percent, quoi. C'est juste que, c'est pas les mêmes audiences, et donc, ça marche moins ou ça marche plus, différent, en fonction de quelle est l'audience. Je pense qu'on en revient encore à, en fait, une audience internationale, queer LGBT qui a envie d'empowerment, qui a envie de certaines revendications et qui est touchée par ces choses-là, notamment avec aussi ce qu'on a l'habitude de voir avec, je pense, aux artistes noires américaines, Beyoncé, Rihanna, Doja Cat, et donc qui est plus sensible à ça, alors que, encore une fois, pour revenir à l'antiféminisme qui gangrène la société coréenne, une envie limite un boycott. Ouais, pour certaines artistes. Vous avez des échanges avec justement des communes plutôt vraiment asiatiquées de la culture internet et qui sont fans de K-pop et qui sont peut-être dans les milieux queer, etc. Et de voir s'il y a des productions, des réflexions là-dessus. Moi, personnellement, j'ai pas d'échange. Alors, du coup, moi, j'ai des échanges de ce que j'observe dans les communes Twitter parce que j'ai un petit pas sur la commu de fans coréennes. J'ai eu accès à des fans coréennes, mais encore une fois, je peux, au final, quand je parle de audience en Corée et de audience à l'international, pour moi, je désigne comme audience en Corée l'opinion publique coréenne. Et je dédine comme l'audience internationale cette fameuse niche dont on parle. Mais je parlais à l'international, genre de communauté, mais qui justement sont par contre concernées directement par toutes ces questions de fétichisation des personnes asiatiques, etc. Et qui sont peut-être mieux placées aussi, enfin vraiment pour analyser peut-être à quel point c'est différent ou non dans les communes queer fans de K-pop, par exemple. Ah oui, bah, c'est sûr qu'en tout cas, il y a vraiment un peu deux écoles dans la commune K-pop internationale. C'est l'école des gens qui découvrent un peu la culture coréenne, qui découvrent ça et qui, dans leur euphorie de découverte, oublient leur biais et en oublient leur... la déconstruction et sont extrêmement problématiques. Je pense notamment aux fameuses vidéos moi et mon copain coréen, etc., etc. Sinon t'as peut-être des fans qui sont peut-être un peu plus vieilles, et par vieille je veux dire plus de parcours qui ont une déconstruction et qui critiquent ça énormément de façon très très virulente et qui soutiennent des artistes et des influenceuses coréennes et asiatiques qui notamment prennent beaucoup la parole sur des réseaux comme TikTok pour chier sur cette fétichisation là ces personnes on leur offre beaucoup de visibilité, de force et d'écoute, quoi. Ok, ben merci beaucoup. On va peut-être conclure parce qu'en plus toi tu dois partir. Juste le mot de la fin. Est-ce que, soit ce que vous voulez ou je sais pas à quel point la K-pop est pour vous subversive ou genre juste quelque chose de réconfortant. Qu'est-ce que moi j'ai juste une petite phrase, mais après je suis sûre que ça pourrait repartir dans des discussions. C'est juste à tous les militants puritains qui pourraient nous reprocher d'écouter de la K-pop parce qu'on jouerait le jeu du capitalisme, au bout d'un moment, foutez-nous la paix. Déjà, ouais. Non, mais je sais pas, genre, ça aussi, ça pourrait juste faire un vrai sujet de podcast, en vrai, juste. En fait, on pourrait vraiment se pencher là-dessus, sur ce truc-là. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas plus différent que d'autres productions musicales, et surtout d'où viennent les musiques par exemple qu'on écoute. Où est-ce qu'il n'y a pas de capitalisme et de colonialisme et de genre de capitalisme et de colonialisme, et que en fait je trouve que c'est limite extrêmement classiste comme vision, à un point de vue aussi très misogyne, parce que par ces fameux truc là de groupie, de fanbase qui cringe, etc., mais en fait qui va juste cringer l'homme cis blanc hétéro, parce que le style de musique qu'il va écouter sera beaucoup plus valorisé dans sa société à lui, et parce que ça ne correspond pas à un style de musique qui est fait pour des gamines de 14 ans. Donc du coup il y a ce biais là aussi qui est très peu déconstruit, et que oui, voilà, en gros, qu'en plus de ça, ça reproche plein de biais sur la K-pop, parce que en fait, ça reste quand même un style de musique mainstream, mais en fait, qui est reproduit même dans des niches techno, rock, etc., etc. Et que du coup, avant de venir critiquer, etc., sous des arguments, en fait, anticapitalistes, qui vont du coup venir te faire la morale, parce que du coup, t'es pas assez anticapitaliste, parce que tu consommes un produit capitaliste, il y a un grand manque de déconstruction aussi, sous un ton de militants puritains, et un grand manque de renseignements, de déconstruction, et en fait, fait, c'est juste... Comme si tout ce qui était capitaliste n'était pas artistique aussi. Voilà, façon. En fait. Et que, bah, aussi, c'est, je pense, une très mauvaise réflexion sur qu'est-ce que le système capitaliste et, en fait, sur le système musical capitaliste. Parce qu'en fait, la musique, maintenant, comment elle est régie, comment elle est divulguée et diffusée, en fait, aux populations, bah, elle est diffusée d'un moyen capitaliste, que ton artiste le soit ou non, en fait. Ça sera toujours la même chose. Grâce. Ouais, mon mot de la fin, bah, déjà, évidemment, ce serait de rappeler que ben nous on est des passionnés, on est des personnes qui ont fait un effort de renseignement auprès de personnes coréennes concernées, de choses comme ça, mais évidemment on parle pour personne. C'est nos biais et nos, enfin c'est nos centres d'intérêt politiques et artistiques qui font qu'on a pu parler, prendre la parole aujourd'hui et développer ses opinions. Donc évidemment chacun que c'est et invité à se faire son avis. Mais déjà, bah, mon but aussi en venant parler, c'est d'inviter toutes les personnes que ça pourrait intéresser à se renseigner sur un avis qui est, bah, du coup, coréen, à se renseigner sur une culture, non pas forcément que sur la musique coréenne, mais aussi sur la culture coréenne en général, de croiser les sources et surtout de ne pas se cantonner à des énièmes documentaires xénophobes et voyeuristes qu'on a pu voir. Pour moi, c'est vraiment primordial pour quiconque estime apprécier l'art de la musique que de se déconstruire de ces biais misogynes, de ces biais queerphobes et surtout de ces biais xénophobes et racistes pour juste apprécier ce qu'est vraiment ce qu'on appelle la K-pop, à savoir non pas un genre musical, mais des artistes venant de Corée et en fait il y a plein de belles choses à découvrir, il y a plein de réconfort artistique et musical à recevoir de la part de personnes qui travaille vraiment d'arrache-pied pour produire ce qui les passionne. Et je pense, au final, c'est la seule chose qu'on devrait retenir, en fait, dans ce phénomène-là, quoi. C'est vraiment de l'art produit par des passionnés qui est multiple dans ses facettes et dans ses propositions et dans ses sonorités musicales et qui mérite qui mérite, comme tout autre art, d'être envisagé et apprécié. Et surtout, s'il vous plaît, déconstruisez-vous de vos biais sur la question de la groupie. Parce que ouais, on peut être affable et apprécier des arts, et c'est notre droit. Et c'est pas parce que... et en fait, à partir du moment où vous méprisez certains artistes, posez-vous la question de pourquoi vous les méprisez. Parce qu'à partir du moment où on méprise un artiste à partir de sa fanbase et qu'on n'a jamais pris le temps d'écouter ou de regarder l'art qui est produit, pour moi, on a déjà de base de sérieuses de questions à se poser sur soi-même. Voilà. Ma conclusion tout à l'heure, elle était juste, enfin c'était pas une conclusion, c'était juste un argument que je voulais donner pour juste évoquer des trucs. Mais du coup, bref, tout ça pour dire. Pour conclure, je suis complètement d'accord avec la conclusion de Grâce, etc. Et que du coup, bah, après avoir parlé de tout ça, etc., moi j'invite juste les personnes qui n'y connaissent rien à juste potentiellement ouvrir un Spotify ou un lien YouTube pour regarder peut-être les clips ou les performances de danse, parce que il y a vraiment des vrais travaux de direction artistique, des vraies performances de danse qui peuvent être très intéressantes, et que en fait d'un point de vue musical ça peut être très intéressant parce que la K-pop est vaste, les artistes de la K-pop ont tous des références différentes, et en fait ce que beaucoup de gens disent c'est que tu trouveras toujours un truc qui te plaira là-dedans si tu veux juste bien genre laisser tomber tes préjugés, parce que en fait les références sont tellement vastes que tu trouveras de tout et que c'est très très riche musicalement, en fait, et qu'il y a une vraie construction musicale et que limite on pourrait faire une vraie analyse purement musicale avec des vrais musiciens qui se penchent dessus pour savoir mais d'où viennent ces références de machin, etc., et qu'en fait on se rend compte aussi qu'ils ont beaucoup puisé de références par exemple de la musique américaine qu'on disait tout à l'heure, mais en fait ils sont aussi en train de créer des façons de créer la musique actuellement. Il y a plein d'artistes américains ou même européens, enfin bref, internationaux, qui sont en train de créer sur des formes que la K-pop a déjà explorées il y a 10 ans, tu vois. Du coup... Exemple. Mais du genre sur la formation, sur la façon dont les sons sont faits, sur les prods qui sont différentes, sur la façon dont on mixe les différentes sonorités, etc. Enfin, ça, il faudrait en parler avec Loulou. Il faudrait inviter Loulou sur ce plateau. Bref. Mais parce que ça, parce que j'ai eu beaucoup cette discussion avec certains de mes proches qui, du coup, eux ont bien voulu découvrir la K-pop via moi, mais d'un point de vue purement musical, où du coup, genre vraiment, c'était des longues discussions, mais vraiment sur comment c'était fait musicalement. Et ça peut être très intéressant. Bref, j'invite à toutes les personnes d'aller explorer tout ça. Et voilà. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu. J'ai envie de conclure sur une question ouverte concernant notre engagement politique. Le milieu queer militant dans lequel j'évolue, et il est vrai souvent assez exigeant en la matière, même si on n'est pas à une contradiction près dans nos productions culturelles, ne serait-ce qu'avec tous les biais capitalistes, blancs et binaires de la culture drag, par exemple. Néanmoins, il est clair que pour les plus exigeantes d'entre nous, les positions des artistes K-pop peuvent sembler lisses, voire démagogiques, comme dit Grace dans la première partie. Mais je pense qu'il est important aussi de ne pas sous-estimer l'impact que cela peut avoir sur leur fanbase, tant coréenne qu'internationale, notamment en termes d'encouragement à s'affirmer, à prendre la parole, et le soutien que cela apporte en termes de santé mentale à des personnes plus isolées, comme ça a été le cas des campagnes et des messages de BTS aux jeunes isolés lors du confinement lié à la pandémie de Covid. La K-pop ne peut pas être pensée en dehors de cette fanbase, qui réinvente aussi une autre manière de s'entraider, d'être connecté et de faire communauté via la puissance d'Internet. Cela n'empêche pas qu'il y a, je pense, encore beaucoup à interroger et questionner autour de la fétichisation qui est forcément là quelque part tout de même autour de tous ces artistes. Car même pour les girls bands, on pourrait se dire que le fait de ne pas répondre à certains stéréotypes racistes et genrés des femmes asiatiques, le fait même d'aimer des figures qui vont justement à l'encontre de ces stéréotypes, c'est peut-être là encore une façon de refaçonner un nouveau stéréotype, puisqu'on l'a vu, ça fonctionne souvent comme ça pour nos clichés genrés et racistes. On aime ce qui, justement, sort de la norme, tel que les bad girls, un temps, toute l'industrie de la pop culture. Je vous laisse avec ces questions. Sinon, pour honorer les goûts musicaux de Mocha qui n'écoute finalement pas que BTS, je finis avec un petit medley de ATS, avec notamment Wonderland, Sphinx et Turbulence. Et merci. Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant. Genre, vraiment, c'était, je pense, l'interview la plus... passionnante que j'ai avec des invités vraiment très très très très au fait, et merci beaucoup. Et voilà, j'allais regarder plein de clips d'AK-pop et j'attends vos recos pour mettre en aussi les transitions du podcast. You were to be mine. 지도가 부르는 곳, 그 섬은 곧 만인의 꿈이 직업. 그때 꿈꾸는 시작, 날개를 펴도 영원히 철없게 like Peter. 터질 듯한 심장을 pump it up.